Le ministre des Affaires étrangères du Mali a convoqué le chargé de la délégation de l'Union européenne après les déclarations de Charles Michel. Nous vous disons tout dans ce numéro. Bamako a vivement protesté les propos du président du Conseil européen qui a déclaré récemment que le gouvernement malien est en train de s'effondrer après la rupture de l'alliance militaire qui existait entre le Mali et les pays occidentaux. Le ministre Abdoulaye Diop a donc convoqué le chargé de la délégation de l'Union européenne pour lui signifier les vives protestations maliennes face aux propos inamicaux, erronés et agressifs qu'ont tenus Charles Michel. Bamako estime être la cible d'une campagne de désinformation en cours. Afrique Média, le monde, c'est nous.